Chapitre 4e. Je connais cette tête-là, murmura Benoît, tapis sournoisement au milieu de la bâtie, sur l'emplacement duquel il avait compté trouver l'Eldorado rêvé. Il reconnut aussitôt Robin, et toutes ses fureurs à peine endormies se réveillèrent soudain. À la vue du proscrit, qui visitait son champ comme un bon propriétaire bosseron ses récoltes de froment, la rage de l'ancien surveillant ne connut plus de bornes. Sa haineuse rancune et son insatiable cupidité étaient doublement déçues. Depuis si longtemps il avait aimé à se représenter sa victime ensevelie vivante dans les vases molles des savanes tremblantes ou déchiquetée par les fourmis, après une lugubre agonie de fièvre ou de faim. Le coup était d'autant plus rude qu'il revoyait Robin à peine vieilli, les traits reposés, l'air heureux au milieu de cette grasse récolte. Pour comble de déboire, il semblait être, à n'en pas douter, le propriétaire de ce sol dans lequel l'aventurier espérait découvrir une mine dont l'opulence devait faire pâlir s'il déplaçait australien ou californien. Quelle désillusion! Escomptée par la pensée des champs d'or et rencontrer des racines alimentaires, chercher des pépites et trouver des patates, s'être complu pendant 10 ans dans la pensée que l'homme exécré n'existait même plus à l'état de squelette, et le voir apparaître tout à coup comme le roi de ce riant Éden. Benoît n'était-il pas sous l'influence d'un cauchemar? Et quoi? C'était bien là Robin, l'évadé du pénitencier, un de ces politiques dont la fière attitude défiait jadis les féroces tracasseries des agents subalternes de l'autorité, un de ces forces à martyrs qui portaient d'un front superbe le poids de leur condamnation et qui, à défaut des égards de la chiourme, avaient imposé le respect aux criminels habitants du bagne. Oh, rage! Il ne plus représenter la loi. Quelque erronée que pût être son implication, ne plus être l'instrument de la force, sinon celui du droit, ne plus pouvoir enfin proférer, comme jadis, cette formule si étrangement faussée. Au nom de la loi, je vous arrête. Pour la première fois, peut-être, Benoît déplora son indignité. Il regretta sa barreuse bleue, ses galons d'argent et les prérogatives qu'il lui attribuait. Il oublia presque l'opulente conquête qu'il poursuivait. Son rêve fut pour un moment interrompu par un désir aigu de vengeance. Son cerveau fut envahi par un flot de pensées mauvaises. Le doute n'était plus possible. C'était, à n'en pas douter, le déporté dont l'évasion miraculeuse l'avait si particulièrement compromis aux yeux de l'administration supérieure. C'était toujours son regard profond qui ne s'était jamais abaissé, ses traits rigides que nulle insulte n'avait pu contracter, dont nulle souffrance n'avait altéré l'incomparable sérénité. Enfin, circonstance avec laquelle il fallait compter, c'était aussi ce bras d'athlète qui avait d'un seul coup fauché le col du tigre en fureur. Sacre bleu! Benoît grinça des dents comme au beau jour de trique et de double chaîne. L'ancien tortionnaire se réveilla chez le complice des forçats. Après tout, il était en pleine forêt vierge, seul, bien armé, en présence de son ennemi. Il osait dire son ennemi, qui ne portait même pas le sabre des coureurs des bois. Ma foi, tant pis! L'occasion en fait le larron. La vengeance offrait trop belle pour ne pas l'assouvir. Une balle à travers les côtelettes, comme il disait volontiers, et tout serait fini. « Je vais te tuer, canaille » gronda-t-il sourdement. « Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que je t'ai cherché, moi ?» Et le misérable, ne reculant pas devant un lâche assassinat, mit en joue le proscrit sans défense qui s'avançait inconscient du danger. Il abaissa lentement son arme et visa attentivement la poitrine, au sommet du triangle renversé formé sur la peau brunie par l'entrebâillement de la chemise. Son doigt allait doucement presser la détente quand un léger bruit empêcha cette simple crispation dont dépendait la vie de l'ingénieur. Ce dernier n'était plus seul. Un jeune homme de haute taille, armé d'un arc indien et d'un faisceau de flèches, s'avançait avec cette attitude penchée, familière aux coureurs des bois, allure lourde en apparence, mais dont rien ne saurait égaler l'infatigable célérité. « J'allais faire là de belles besognes, » se dit l'aventurier. « En admettant que j'ai jeté le fagot par terre, l'autre m'aurait proprement embroché, avant même d'avoir pu faire coup double. »« C'est que ça ne plaisante pas, ces vermines-là, avec leur lardoir à manches de roseau. »« Allons, Benoît, mon garçon, en retraite. La reconnaissance a été bonne pour aujourd'hui. C'en est assez. Il ne faut compromettre ni ta peau, ni ta vengeance. » Quel diable de garnement ce Robin de malheur a-t-il bien pu recruter là? Termina-t-il en s'éloignant en reculons, avec la silencieuse souplesse d'un reptile. Il faudra savoir ça, reconnaître la place, compter les défenseurs et évaluer leurs forces, puis on verra. Quelque habitué que fût l'aventurier aux courses dans les grands bois, il ne suivit pas absolument la direction qui l'avait conduit à la bâtie des Robinson. Il s'égara au bout de quelques minutes, et il ne s'aperçut de son erreur qu'en venant buter au pied d'une roche escarpée dressée au milieu d'une clairière stérile. « Tiens, » fit-il, surpris, « les roches de cette taille sont rares dans la zone que nous parcourons. La vue de celle-ci est pour le moins bizarre. Si je l'escaladais, qui sait l'horizon que l'on peut embrasser de là-haut ? Allons, houppe, du nerf et du jarret. » La montée fut terriblement dure, mais Benoît n'était pas homme à reculer devant la fatigue. En dépit du soleil qui grillait sa face et faisait fumer sa peau, des aspérités qui ensanglantaient ses mains, il arriva au sommet après une demi-heure d'effort surhumain. Il s'arrêta, ruisselant, congestionné, haletant, rompu, et s'abattit plutôt qu'il ne s'assit sur le quartz brûlant. Ses yeux se portèrent rapidement sur la vaste trouée ouverte devant lui. Il eut une sorte d'éblouissement et bondit comme poussé par un ressort. « Impossible ! » s'écria-t-il. « Mais non, je ne me trompe pas. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Où est donc la septième ? Elle est cachée, derrière les autres, c'est certain. » L'Indien disait au docteur et au commandant, « Il y a ensuite cette montagne. Ce sont les montagnes de l'or. » Par le patron de tous les grenins de la terre, ces montagnes, je les vois, là, à moins de deux lieues, se découper en bleu foncé sur le ciel gris. Deux lieues, huit malheureux kilomètres sous bois, c'est l'affaire d'une journée. 12 heures à bourlinguer à travers les lianes et à faire de la contrepointe, puis la fortune. L'ancien argousin pâlissait tant était vive son émotion. Il se raidit en voyant son sang-froid près de lui échapper. Du calme, et orientons-nous. Ma boussole, bon. Direction ouest, 22 degrés, nord-ouest. Voilà qui est fait. Sacrebleu, je n'en puis plus. Il faut que je chante, que je crie, que je hurle. Un peu plus, je pleurerai. Que le diable m'emporte, je suis content. À moi, tout l'or de là-bas. Je suis riche, j'ai le secret de l'or. Allons, assez. Je suis vraiment bête de beugler comme un singe rouge au clair de la lune. Il faut descendre, retrouver les autres, les emmener là-bas et partager avec eux. Cela sera moins drôle, mais bah, il y en aura pour tout le monde. C'est égal. Le hasard fait bien les choses. Si je n'avais pas vu ce fagot de malheur, je ne venais pas ici. Je n'escaladais pas la roche et je ne trouvais pas le nid au jaunet. Après tout, Robin me devait bien ça. Allons, d'abord au plus pressé. Plus tard, j'aviserai à lui payer du même coup mes deux dettes. L'aventurier jeta un dernier regard d'ardente convoitise sur cet horizon où se profilaient les collines, puis il descendit lentement et comme à regret. « Mais ça sue l'or, va !» murmura-t-il en examinant attentivement quelques échantillons de quartz blanc veinés de bleu. « Quel malheur de n'avoir pas une pioche ou un marteau !» Il frappa du dos de son sabre une pointe et réussit à la détacher. De nombreuses paillettes, visibles à l'œil nu, attestant la richesse du minerai, étincelèrent au soleil. Plus de doute, le pot rouge a dit vrai. Nous n'avons pas perdu notre temps. Je ne m'étonne plus de l'acharnement des habitants de ce pays à défendre l'entrée de leur territoire. Je ne suis pas davantage surpris de les voir se servir de flèches à pointe d'or. L'or ici est plus commun que le fer. Il faudra sans doute batailler. Mais j'enlèverai l'affaire avec ma petite armée de pots rouges bien allumée par quelques bouteilles de tafia. Benoît battit le bois, à droite et à gauche, décrivit plusieurs larges cercles, retrouva enfin sa première piste et finit par rejoindre ses complices, inquiets d'une absence qui avait duré plus de 4 heures. « Eh bien, quoi de nouveau ? » s'écrièrent-ils d'une seule voix. « Victoire, mes enfants, victoire, à nous le magot. Je vous conterai cela en détail plus tard. Qu'il vous suffise de savoir que j'ai aperçu les 7 montagnes décrites par l'Indien et que dans 15 heures au plus, nous les aurons atteintes. Pas possible. » « Tu ne te trompes pas, au moins. Ne faites pas les imbéciles. »« Connaissez-vous ça ? » dit-il en leur montrant l'échantillon apporté de son expédition. « De l'or !» rugirent les 4 bandits. « De l'or !» À leur cri de joie, répondit un hurlement farouche. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » fit le chef inquiet. « Ah, ne m'en parle pas, » dit Bonnet, « un vrai guignon. Les peaux rouges sont comme des furieux. Pourquoi ? Tu vas voir. Il vient d'arriver malheur à leur piaille. » Il ne manquait plus que cela. Est-ce que c'est sérieux ? Tellement sérieux qu'il est mort. Un horrible blasphème échappa à l'ancien surveillant. S'il est crevé, nous sommes fichus. Tu exagères. On voit bien que tu ne les connais pas. Tu ignores que pour les Indiens, la mort n'est jamais naturelle, même quand ils en connaissent parfaitement la cause. Ils ne peuvent admettre que l'un d'eux s'en aille à Patres sans qu'on lui ait jeté un sort. C'est toujours un de leurs voisins ou quelqu'un d'une tribu ennemie, ou encore l'étranger qu'ils hébergent qui a causé le maléfice. Nous sommes dans de jolis draps, s'il en est ainsi. Les hurlements redoublaient et atteignaient une incroyable intensité. Les derniers d'Akombaka couraient éperdus, se taillaient dès la face et la poitrine avec leurs couteaux, le sang ruisselait sur leur corps et jaillissait en pluie rouge. Ils vont s'en prendre à nous. Il faut à tout hasard nous mettre sur la défensive. Mais raconte-moi donc comment la chose est arrivée, que je vois s'il y a moyen de nous en tirer. Dame, voilà, fit Bonnet. Il y a 2 heures de ça, le piaille qui était un carottier du premier numéro vient nous demander du tabac et du tafia. Comme nous avons besoin de tous ces animaux-là, je ne crois pas devoir lui refuser quelque chose. Tu as bien fait, continue. Pour lors, il emporte la fiole et le paquet de caporal, et il s'en va retrouver le chef, puis tous deux se mettent à lamper comme des chantres sans plus s'occuper de leurs camarades. Après, mais dépêche-toi donc, bourreau, tu me fais cuire à petit feu. Après, si tu me coupes le fil de mes idées, je ne pourrais plus seulement dégoiser 4 mots. Où donc en étais-je? Ah oui, ils bidonnaient, tous les deux. Le piaille avait passé la bouteille au chef et il attendait, la bouche grande ouverte, que celui-ci fût à bout de vent pour emboucher à son tour le goulot, quand tout à coup il pivota 2 fois sur lui-même, roula des yeux effarés, battit l'air de ses 2 bras, râla quelques secondes et s'aplatit sur le sol. Et c'est tout? C'est tout, il était mort, et bien mort. Alors, le chef, au lieu de lui passer la bouteille, reprit haleine, avala le reste de la rasade, cassa la fiole vide et se prit à hurler comme 12 douzaine de crapauds bœufs. Les autres peaux-rouges accoururent, relevèrent le piaille, le secouèrent, le frottèrent, mais inutilement. Sa tête était enflée déjà comme un baril de couac et ses lèvres étaient plus grosses qu'un manche de pagaie. Je n'ai jamais rien vu de si laid. Ils ne vous ont rien dit, pas un mot. Ils se sont mis aussi à beugler et à se tailler dès la face, sans plus s'occuper de nous que si nous n'existions pas. C'est étrange et fort peu rassurant. Ne nous quittons pas d'une semelle, éveillons au grain. L'aventurier n'avait pas tout à fait tort. Les Indiens ne peuvent, en effet, ainsi qu'il le disait tout à l'heure, admettre la mort autrement que causée par un maléfice. L'un d'eux est-il mordu par un serpent? C'est son voisin qui a pris la forme de l'ophidien, et il faut que le pauvre diable désigné par le moribond succombe après lui. Un autre a-t-il l'échine rompue par la chute d'un arbre? Se noie-t-il dans un rapide? Meurt-il des suites de la variole ou du délirium tremens? Il faut une victime expiatoire. Ce sera un étranger, un membre d'une tribu ennemie, un animal domestique, peu importe d'ailleurs, pourvu que l'auteur présumé du maléfice soit châtié. La présence du chef blanc était signalée. Son retour fut annoncé. Akombaka, armé de son sabre, s'en vint, suivi des hurleurs, vociférer jusque dans les oreilles des Européens qui se mirent sur la défensive. « Du calme, » dit Benoît, impassible, à ses compagnons, « du calme, la situation n'est pas désespérée, au contraire. » Les Indiens de la zone équatoriale professent pour tous les Blancs un grand respect, et il est bien rare qu'ils osent les attaquer. Ce respect est causé par l'idée qu'ils se font que la plupart d'entre eux sont des piailles. Comme ils les voient panser les plaies, se conduire à la boussole, comme ils voient aussi entre leurs mains une quantité d'objets inconnus dont ils ignorent l'usage, cette idée est fort accréditée. Akombaka ne venait pas pour violenter ses alliés, il voulait au contraire faire appel à leur science et savoir quelle était la cause de la mort du sorcier. Cet incident était en effet la plus irréparable de toutes les catastrophes. Une tribu sans piaille est un corps sans âme, un navire sans boussole, un enfant sans mère. Les plus grands malheurs allaient bientôt fondre sur tous ses membres si l'auteur de la mort du pontife n'était sur le champ découvert. La parfaite connaissance qu'avait Benoît de l'idiome des Galibis lui permit de comprendre ce que demandait le capitaine, et le rusé compère vit bien vite le parti qu'il pouvait tirer de cette superstition. « Plus de peur que de mal, les enfants. Tout va bien. Les affaires sont en bon chemin. Il s'agit de profiter de la chose. Allons, un peu de jonglerie ne serait pas de trop. » Il s'avança lentement vers le chef, leva son fusil, en déchargea les 2 coups en l'air, remit ensuite l'arme à l'un de ses 3 acolytes et dit à Bonnet « Siffle-leur une fanfare soignée. » Le coquin obéit sans désemparer et déchira pendant quelques minutes les oreilles des assistants avec une diabolique maestria. « Stop !» fit Benoît, avec le geste noble de Mangin imposant silence à son orchestre. « Chef, » dit-il à Kombaka en scandant ses syllabes, « et vous, brave guerrier, écoutez-moi. Je suis un grand piège chez les hommes blancs. J'ai appris là-bas, du côté où le soleil se lève, tous les secrets de la vie et de la mort. Rien n'est caché pour moi, ni dans les airs, ni dans les eaux, ni dans les bois. Mon œil voit tout, mon oreille entend tout. Je vous apprendrai la cause de la mort de votre piège vénéré. Nous punirons les auteurs du crime et j'écarterai de vous tous les maléfices. J'ai dit, l'esprit de mes pères a entendu. » Un immense cri d'allégresse accueillit ce boniment, débité d'un ton emphatique et d'une superbe voix de commandement. « À toi, chef, de me conduire près du défunt, que mes yeux voient ses traits, que ma main touche son cœur, que mon souffle apaise les mauvais esprits. Viens !» Le cortège se mit en marche, et l'habile charlatan, suivi de ses compagnons, aperçut bientôt sous un carbet le cadavre gonflé comme une outre, luisant, bouffi, horrible. Benoît fit de la main plusieurs signes mystérieux, se tourna successivement vers les quatre points cardinaux, s'inclina gravement, saisit son sabre et passa la lame sur les charbons d'un foyer comme pour la purifier. Il souleva la tête du mort, introduisit doucement la pointe entre les mâchoires contractées et opéra une pression progressive. La bouche, affreusement tuméfiée, aux muqueuses violacées, s'entr'ouvrit. « Que diable peut-il bien avoir avalé ?» grogna le chef en monologuant, selon son habitude de solitaire. Il empoisonne l'alcool, mais ce n'est pas une simple rasade qui l'a tué. Les peaux rouges accroupies sur leurs talons, le poids du corps porté tout entier sur les orteils, se taisaient et contemplaient d'un air curieux cette scène singulière. Benoît, non moins intrigué qu'eux, essayait de plonger un regard au fond de ce gosier béant. « Si je pouvais seulement faire sortir quelque chose !» Il appuya machinalement son poing robuste sur l'épigastre et pesa de toute sa force. Ô merveille ! Quelques gouttes de tafia remontèrent en raison de cette pression. Elles servaient de véhicule à une de ces énormes guêpes de la Guyane, plus terribles peut-être que les mouches à dagues, et nommées ici mouches sans raison. Le piaille improvisé avait, comme toujours, plus de bonheur qu'un honnête homme. Il venait sans le vouloir d'accomplir une prouesse qui devait dorénavant le faire révéré à l'égal d'un dieu. La cause de la mort du pauvre diable était donc facilement explicable. Au moment où les yeux ardents, la bouche largement ouverte, il attendait que son partenaire eût absorbé sa ration, la mouche sans raison s'était introduite jusque dans sa gorge. Emprisonnée par un instinctif mouvement de déglutition, elle n'avait pu sortir et, le plus naturellement du monde, avait lardé de son aiguillon l'arrière-bouche du docteur Rouge. Une enflure énorme avait aussitôt obstrué le passage de l'air et l'asphyxie avait été foudroyante. Telle fut la réflexion que se firent aussitôt les Européens. Mais le phénomène était de beaucoup trop simple pour être ainsi admis par les Indiens toujours en quête de merveilleux. Un long cri de triomphe accueillit le brillant résultat obtenu par le piaille blanc qui laissa le corps de l'insecte sur la poitrine du mort et invita chacun à venir le contempler. « Allons. « Ça va bien, ça va très bien, » disait-il à voix basse à ses compagnons, tout en conservant toujours son air inspiré. « Si je savais, je dirais à ces idiots que la mouche sans raison est envoyée par les propriétaires de la bâtie. Quel bon tour je jouerais ainsi à Robin et à sa séquelle. Tonnerre, les peaux rouges auraient bientôt fait de les mettre tous en morceaux. Tiens, après tout, pourquoi pas? Une bonne vengeance accomplie sans le moindre danger, et qui ne me demanderait qu'un signe. » « Je suis bête, Benoît, mon garçon. La colère vous trouble la cervelle. Vous avez mieux à faire. Oh, c'est parfait, ce que je viens de dénicher là. Un véritable coup de maître. » Il se recueillit un moment et reprit d'une voix éclatante. « Chef, et vous, brave guerrier, écoutez-moi. Je vois celui qui a pris la forme de la mouche sans raison pour tuer mon frère le piaille rouge. Il est là-bas, dans une grotte sombre, au milieu des montagnes. Il se cache. Mais rien n'échappe à l'œil du piaille à peau blanche. Venez, je vais guider vos pas. Armez-vous de vos sabres. Partons. Je marcherai devant vous, et le soleil qui va luire demain éclairera votre vengeance. Venez sans retard, j'ai dit. L'esprit de nos pères a entendu. » C'était véritablement un habile homme que maître Benoît. Il avait, croyait-il, usé d'un argument sans réplique, pour se faire séance tenante accompagnée au palais enchanté que devait habiter la fée des Placeras. bien que son raisonnement lui semblât irrésistible en effet, nul ne bougea parmi les Indiens. « Eh bien, dit-il surpris, mes frères ne m'ont pas entendu ?» Akombaka s'avança humblement et lui fit observer avec une douceur qui n'était pas exempte de fermeté qu'il était impossible à ces hommes de quitter en ce moment le lieu où le crime avait été perpétré, même pour le faire expier à son auteur. Deux motifs impérieux s'opposaient à l'accomplissement de ce pied devoir. Il fallait préparer les funérailles du défunt et procéder à l'élection de son successeur. Comme ces deux cérémonies étaient absolument dépendantes l'une de l'autre, elles auraient sous peu leur consécration. Le piaille blanc, qui savait tout, ne pouvait d'ailleurs ignorer que jamais les Indiens ne suivent le sentier de la guerre sans être accompagnés de leur grand prêtre. Benoît avait peine à dissimuler la fureur que lui causa ce retard. Il savait que les funérailles chez les Indiens sont l'occasion d'interminables scènes d'ivresse. Les préparatifs ne durent pas moins de 8 jours, après quoi le cadavre est emporté dans sa tribu et définitivement confié à la terre. Quant à l'investiture d'un piaille, elle peut durer plusieurs années. Comme le temps n'existe pas plus pour les Peaux-Rouges que pour les Orientaux, l'aventurier se voyait pour longtemps peut-être condamné à une énervante immobilité. Akombaka, voyant la part qu'il daignait prendre à l'infortune générale, le rassura bientôt. Les funérailles dureraient le temps réglementaire, 1 semaine. Quant au successeur du défunt, il était tout trouvé. Il avait subi toutes les épreuves, sauf la dernière. Le droit à l'exercice de ses redoutables fonctions lui serait octroyé le 8e jour, puis on transporterait ensuite le cadavre au lieu où se cachait le meurtrier, et le premier acte du nouveau dignitaire serait de faire expier au criminel son forfait en présence du corps de sa victime. L'aventurier savait que les Indiens sont absolument immuables dans leurs projets. Il dut se conformer à leurs exigences, trop heureux d'apprendre que son attente ne durerait que 8 jours, puisque le hasard voulait qu'un récipiendaire se trouvât là, tout à point pour prendre la succession. La nomination d'un piaille est un effet d'une chose capitale, étant donné les prérogatives incroyables attachées à cette dignité. Le noviciat est terrible, et il en est bien peu parmi les candidats qui peuvent supporter les épreuves qu'il comporte. Jugez-en plutôt. L'étudiant en médecine est présenté aux notables de la tribu par le titulaire. Il s'engage à supporter sans faiblesse toutes les épreuves, quelles qu'elles puissent être, puis son maître prend possession de lui, jusqu'à ce qu'il les juge dignes de l'honneur que lui seul peut conférer. Les épreuves sont variables et entièrement subordonnées à la volonté du piaille en chef. Pendant les 6 premiers mois de son noviciat, le jeune homme doit se nourrir exclusivement de manioc. Il lui est formellement enjoint d'absorber son repas de la façon suivante. On lui met tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre, un morceau de cassabe, et il est forcé de le porter à sa bouche en soulevant son pied avec ses 2 mains. C'est là sa première inscription. Après 6 mois de ce régime, qui, s'il meuble fort peu le cerveau, délie admirablement les jambes, on donne pendant 6 autres mois à l'étudiant un peu de poisson qu'il absorbe de la même façon. Son ordinaire est en outre augmenté de plusieurs feuilles de tabac qu'il doit chiquer et dont il lui faut avaler le jus. Le pauvre diable, horriblement narcotisé, tombe dans un état d'hébétude incroyable. Il maigrit, son œil devient atone, son estomac révolté éprouve d'atroces soubresauts. Beaucoup meurent à la peine, mais tous tiennent bon jusqu'à la fin. Celui dont l'organisme a résisté à cette fantastique alimentation subit, comme chez nous, un examen de fin d'année. On le fait plonger, et il reste sous l'eau pendant un temps dont la durée ferait frémir les pêcheurs d'huîtres perlières eux-mêmes. Il remonte, les yeux bouffis, les oreilles et le nez ensanglantés, peu importe. À l'épreuve de l'eau succède celle du feu. Il doit traverser pieds nus sans broncher, sans courir, un espace plus ou moins vaste sur lequel est répandu un lit de charbons ardents. Quand les plaies de ses pieds sont cicatrisées, il reprend pendant 12 mois encore son régime de cassave, de poisson et de tabac, afin de subir ses seconds examens de fin d'année. Ils sont variés et font le plus grand honneur à l'ingéniosité des tortionnaires examinateurs. On réunit des milliers de fourmis flamandes dont la piqûre, horriblement douloureuse, produit des ampoules et donne une fièvre enragée. Le pauvre diable est cousu dans un hamac dont une extrémité reste béante. Les fourmis sont introduites par cette ouverture après que le sac où elles sont enfermées a été bien secoué pour les exciter encore plus. Je vous laisse à penser à quelle orgie de chair rouge se livrent ces féroces hyménoptères. Le candidat supporte impassiblement cette épouvantable souffrance et pour cause. La moindre plainte aurait pour effet d'annuler immédiatement et sans retard toutes les épreuves antérieures. Autre question sans calembour, puisqu'il s'agit d'examen et de torture. Une centaine de mouches à dagues ou de mouches sans raison sont emprisonnées par le milieu du corps dans les mailles formées par le tissu d'un manaret, un tamis. Les têtes passent d'un côté, les abdomens de l'autre. Vous jugez si cette position inusitée porte à la mansuétude, ces insectes rageurs. Eh bien, l'examinateur prend le manaret et le pose délicatement sur la poitrine, le dos, les reins ou les cuisses du candidat. Les aiguillons des guêpes furieuses pénètrent dans la peau comme des dards de feu. Ses dents craquent, comme s'il broyait du verre plié, la sueur ruisselle, ses yeux se troublent, mais il ne profère pas une plainte. On le soumet encore pour varier à l'épreuve des serpents. Son maître, qui est fier de lui, le pousse, le fait briller, comme font nos professeurs de faculté à l'égard de leurs élèves les plus remarquables. Il est mordu par un grage, un crotal ou un aï-aï. Il est vrai qu'il a été lavé pour le serpent, mais cette morsure n'en est pas moins affreusement douloureuse. Les épreuves auront bientôt une fin. Il peut déjà suppléer son maître pour les opérations peu importantes, tels les internes de nos hôpitaux qui, sous l'œil des princes de la science, ouvre pour la première fois un abcès superficiel, opère la facile réduction d'un membre luxé ou pose un appareil à fracture. Le jeune savant indien a le droit de battre le tambour auprès du malade et de vociférer jour et nuit pour chasser le malin esprit. La prescription de la médecine des peaux rouges se borne à ce charibari en partie double. C'est là tout le formulaire. « Oh, Bouchardin, mon maître, où êtes-vous ?» Reste la dernière épreuve qui confère définitivement et sans appel le dignus est intrare. C'est la thèse, le couronnement de 3 années d'épreuve. C'est épouvantable. La plupart des Indiens du Maroni n'enterrent leur mort qu'au bout de 8 jours. On peut facilement s'imaginer ce que devient le cadavre soumis à une pareille température, aussi chaude que humide. Le mort reste couché dans son hamac, au-dessous duquel est un large vase, destiné à recueillir la sérosité qui découle par la décomposition. Une partie de ce liquide cadavérique est mélangée à une infusion de tabac et de batoto que le récipiendaire doit absorber. Alors il est grand piaille. Il a droit de vie et de mort sur tous les membres de la tribu. Il peut à son gré exploiter leur crédulité et donner carrière à tous ses instincts. Une parole, un regard de lui sont sacrés. Il peut tout et son impunité est absolue, quelle que soit d'ailleurs son ignorance. Il ne sait rien, mais absolument rien. Les Noirs, au moins, connaissent les antiphlogistiques et les dérivatifs. Leurs remèdes de bonne femme sont souvent très utilement appliqués, on a pu le voir précédemment. Quant aux Indiens, rien ne saurait donner une idée de leur ineptie, si ce n'est la stupidité de ceux qui les écoutent aveuglément. Leur pratique se borne à quelques momeries ridicules, consistant en cabrioles, en hurlements, en roulements de tambours, en insufflations, etc. Trop heureux encore sont les patients, quand à moitié morts déjà, ils ne sont pas bourrés à éclater de piments en bouillie, d'excréments d'animaux ou d'yeux de crapaud. Le piaille ne sait ni poser une ventouse, ni pratiquer une saignée. Il n'a aucune idée des dérivatifs et laisse une fracture aller comme elle peut. Aussi, un grand nombre d'Indiens sont-ils affreusement mutilés. Qu'importe au sorcier, sa médecine a toujours raison, et le malade seul a tort s'il ne guérit pas. La tribu d'Akombaka possédait un jeune piaille qui avait subi toutes les épreuves, moins la dernière. Tel était le motif pour lequel le corps du défunt allait être conservé pendant 8 jours en dépit des objurgations de Benoît. La fête serait complète. Les funérailles du sorcier, la vengeance attirée de celui qui l'avait piaillé, ensorcelé, le mot à court en Guyane, l'avènement de son successeur, tout concourait à donner plus d'importance encore à cette multiple solennité. Des torrents de Kachiri, de Vikou, de Vupaya couleraient pendant des jours de liesse. On allait manger, boire, se battre. La chronique sera défrayée pour longtemps du bruit des exploits qui allaient bientôt s'accomplir. Le landerneau équatorial en frémirait tout entier. La fête funèbre commença sous la présidence d'Akombaka. Le piaille intérimaire en régla le cérémonial. Comme la mort était survenue loin du village, les restes du défunt devraient y être transportés en temps et lieu. cette première partie accomplie sur le lieu même de la catastrophe, équivaut à la cérémonie qui, chez les peuples civilisés, accompagne la mise en caveau provisoire des restes d'un homme mort loin des siens, et qui sera ultérieurement conduit dans la sépulture de sa famille. Les Indiens n'ont pas de cimetière. Le défunt est enterré dans son carbet après les 8 jours réglementaires d'exposition publique. Les proches et les amis, ivres du matin au soir, hurlent qui mieux mieux autour du cadavre et frappent comme des sourds sur les tambours. C'est un va-et-vient perpétuel de jarres vides et de jarres pleines et un coudoiement constant d'allant et venant, toujours beuglant, toujours buvant. Le 8e jour, une fosse est creusée dans le sol du carbet. Le corps qui se trouve dans un épouvantable état de décomposition est exposé à découvert sur un boucané, précaution indispensable, car il pourrait s'en aller en morceaux. La tribu entière défile devant lui, chaque membre se prosterne, on boit la ronde un large coup, la cérémonie est terminée. Les pots contenant les liquides cadavériques sont d'abord descendus dans la fosse, puis les armes et le hamac du défunt, puis le défunt lui-même. Le carbet est alors abandonné, et nul n'y remet jamais les pieds. Quelques Indiens, entre autres les Rukuyen, brûlent leurs morts, toujours après 8 jours d'exposition. La crémation de ces débris en putréfaction est au moins une mesure hygiénique, bien qu'un peu tardive. D'autres, les Bukan, ce sont les Oyampis et quelques fractions des Émerions. Ils deviennent alors secs comme des momies, et restent à découvert au fond de la fosse, creusée dans leur carbet. Enfin, quand un Indien meurt très loin de son village, et qu'il est matériellement impossible de ramener son corps, ses compagnons doivent rapporter sa chevelure. Ce fait est non seulement particulier aux peaux rouges, mais encore aux noirs du Maroni, Bosch, Boni, Yuka ou Poligoudou. Les cheveux sont précieusement enfermés dans un pagara ficelé de lianes ou de cordes en coton. Un bâton est passé dans la mare. 2 hommes mettent chacun un bout de ce bâton sur leur épaule, et la relique est processionnellement remise aux parents. La cérémonie des funérailles a lieu pour l'enterrement des cheveux, comme celui du cadavre lui-même. Le défunt Piaï de la tribu d'Akombaka sera-t-il plus tard brûlé ou boucané? Peu importe pour l'instant. Un carbet est rapidement construit, au poteau est accroché un hamac, sur le hamac est déposé le mort, et les jarres sont rangées dessous. Ces différentes opérations s'accomplissent avec une incroyable célérité. Étant donné l'apathie des Indiens que l'on ne voit jamais courir, cette prestesse est surprenante. C'est qu'aussitôt après, il est permis de boire, et pour ces estomacs plus secs que l'amadou dont ils ont la couleur, la beuverie est chose sacro-sainte et obligatoire. Benoît, faisant contre fortune bon cœur, déboucha quelques bouteilles de tafia pour permettre à ses alliés d'attendre avec moins d'impatience la confection du cachéri, la boisson par excellence défaite chez les Indiens. Ce n'est pas une petite affaire que la préparation de cette liqueur, pour laquelle les naturels des pays équatoriaux éprouvent une passion qui va jusqu'à la folie. Aussi, tous les incidents de la vie sont-ils pour eux des prétextes ardemment souhaités et lestement saisis. Naissance, décès, funérailles, mariage, plantation, chasse, pêche, récolte, lancement de canaux, cuisson du manioc, etc. Le cachiri est l'élément essentiel de toutes les réjouissances. Comme sa confection est assez longue et qu'il ne se conserve pas, on en prépare d'énormes quantités. Pour obtenir 100 litres de cette boisson fermentée, l'on prend environ 50 kg de racines de manioc récemment râpées. L'on ajoute 20aine de patates également réduites en farine. Le mélange est mis dans 2 grands vases de terre, appelés canaries, ornés de dessins fort curieux et fabriqués par les Indiennes. L'on verse 50 litres d'eau dans chaque canarie, qui est placé sur 3 pierres formant trépied. Un feu doux est allumé dessous, et l'heureux mortel préposé au brassage de la divine liqueur agite le mélange jusqu'à ce qu'il n'adhère plus au fond du vase. Il le laisse ensuite bouillir et se réduire jusqu'à formation d'une pellicule épaisse. Après évaporation d'un quart environ, la préparation est retirée du feu, versée dans un autre vase et abandonnée à elle-même jusqu'à ce qu'elle prenne une légère teinte vineuse, ce qui a lieu au bout de 36 heures. Une fermentation active se développe. Le cachéri est fait. Il ne reste plus qu'à le passer dans un manaret. Cette boisson rappelle le poiré. Elle est très agréable au goût, rafraîchissante et particulièrement traîtresse, en ce sens qu'elle amène une ivresse absolue que rien ne fait préboire. C'était donc 36 heures d'attente pour Akambaka et ses hommes passablement allumés déjà, grâce aux largesses de Benoît. 36 heures pour ses assoiffés, c'était bien long. Et toutes les provisions des aventuriers fussent tombées dans ces gouffres insatiables si les peaux-rouges n'eussent eu la précaution d'apporter une ample provision de vicou. Qu'est-ce donc le vicou? Les Indiens, qui sont généralement d'une inqualifiable imprévoyance relativement à tous les actes de la vie, s'entourent d'une incroyable surabondance de précautions quand il s'agit de pourvoir à la disette de liquide, de même qu'ils ne s'embarquent jamais sans emporter leurs canaries bien emballées dans des feuilles, de même aussi ils chargent leurs canots d'une quantité de cette pâte sèche appelée vicou. Cette dernière substance offre sur le cachéri l'avantage de pouvoir produire en quelques minutes une boisson fermentée, non moins agréable et non moins enivrante. Si la cassave en est également la base, la préparation n'est plus identique. Une jeune indienne, préposée à cet usage, mâche environ 1 kg de cassave, imbibe chaque bouchée de salive, puis pétrit le tout ensemble pour former l'élément fermentescible, le levain. Cela s'appelle chez les Galibis le matchi. 12 kg environ de cassave sont, après avoir été trempés dans l'eau, soigneusement égouttés, mélangés au matchi. L'on obtient une pâte assez consistante qui fermente pendant 36 heures et lève comme le pain. On la met ensuite séchée au soleil et elle est conservée pour les besoins ultérieurs. Il suffit alors à l'Indien, quand il est altéré, et le cas se présente fréquemment, de couper un morceau de cette pâte sèche, de la délayer dans un couï, pour avoir en quelques minutes une liqueur pétillante comme le champagne. Le pot rouge, en véritable sybarite, sucre avec le jus de la canne, son sillerie de cassave, et le sable jusqu'à ce qu'il tombe ivre mort. Les compagnons d'Akambaka, Akambaka lui-même et le jeune Piaï possédaient un copieux approvisionnement de vicou, qui leur permit d'attendre patiemment la confection du cachéri. Les Blancs, pour ne pas rester en retard de politesse, prirent part à la fête. Il fallait bien passer le temps. Comme rien n'est interminable en ce monde, ni la joie ni même la douleur, la semaine consacrée au deuil s'écoula, le cachéri aidant, sans encombre et sans trop d'ennui. Il y eut bien de ci de là quelques crânes fêlés à coups de casse-tête, quelques côtes entamées par le fil des sabres d'abattis. Mais bah, les ecchymoses disparaissent à la longue, et les plaies finissent bien par se fermer, et d'ailleurs, une fête ne saurait être complète sans ces légers incidents. Le défunt Piaï était à point pour fournir à son successeur les éléments indispensables de la dernière épreuve. Passons sur ces détails répugnants, auxquels il a fallu naguère nous arrêter, par suite des exigences de notre récit, dont la fantaisie a été rigoureusement bannie. Nous écrivons l'histoire des peuplades guyanaises, et l'histoire a parfois d'impérieuses nécessités. Inutile de dire que le candidat se montra à la hauteur de sa mission, et qu'il reçut l'investiture des mains du chef et des notables, auxquels se mêla Benoît en sa qualité de collègue. La troupe se mit enfin en route, en file indienne, précédée de l'ancien surveillant qui ouvrait la marche. Le mort, charni ambulant, venait ensuite, suspendu comme un lustre dans son hamac passé dans un long bâton et porté sur les épaules de 2 guerriers aux jambes encore flageolantes. Benoît était au comble de ses vœux. Il touchait enfin à ce moment tant désiré. Il s'avançait en conquérant, sabrait à tour de bras les tiges et les lianes, jetait un rapide regard sur sa boussole et repartait d'un pied léger. La première journée, la moitié de la seconde, se passèrent sans incident. Les peaux-rouges, chargés de provisions, marchaient en dépit de leur proverbiale paresse, sans se plaindre, sans même s'arrêter. Les pauvres gens, dans leur naïve superstition, s'imaginaient de bonne foi accomplir une œuvre pie en recherchant l'auteur de la mort de leur sorcier. Nulle fatigue n'eût pu les retarder un moment, surtout depuis qu'il n'y avait plus de prétexte à boisson. Les montagnes de l'or, Benoît se complaisait à les nommer ainsi, ne pouvaient être éloignées. Il avait tracé sa route comme avec un compas. Il pouvait mathématiquement affirmer la rectitude de sa direction. Il escomptait déjà par la pensée la joie qu'il aurait à pénétrer dans ces grottes, dont ses compagnons lui avaient fait, d'après le récit de Jacques, un tableau si enchanteur, quand une écœurante odeur de musc frappa désagréablement son odorat. Il s'arrêta soudain et grogna à Bonnet qui le suivait de près. « Veille au grain, nous sommes sur la trace d'un serpent. »« Un serpent ?» fit l'autre avec une surprise mêlée d'épouvante. « Où est-il ?» « Je ne le vois pas, parbleu. Si j'apercevais seulement le bout de sa queue, je ne m'amuserais pas à mettre un grain de sel dessus. »« Un serpent » balbutia-t-il en se rappelant le terrible épisode de la crique. « Je ne fais plus un pas. »« T'es bête ! Il y a autant de danger à rester en plan qu'à marcher de l'avant. Tiens, c'est une couleuvre, elle est de taille. Je parie qu'elle a au moins 7 ou 8 mètres de long, et qu'elle est aussi grosse que ton corps, maigriot que tu es. À quoi vois-tu cela? Si tu avais comme moi vécu dans les bois, tu ne m'adresserais pas une semblable question. Ah ça, les fagots sont donc bien stupides maintenant. De mon temps, il y avait là-bas des malins, de vrais lurons, c'était plaisir de les conduire. Tu vois bien cette trace, dans les herbes foulées comme par la chute ou par le traînage d'un tronc d'arbre. Oui, et après? Eh bien, c'est la voix du serpent. Il est passé là il y a quelques minutes à peine, l'odeur du musc me l'indique. Les Indiens, en dépit des émanations du cadavre, avaient également éventé le reptile. Ils s'étaient arrêtés et attendaient, silencieux. On entendit tout à coup, à peu de distance, un fracas de branches, accompagné d'un trou lourd. Benoît arma son fusil. Akumbaka vint se poster près de lui, banda son arc, et saisit une flèche terminée par une large pointe de bambou, mince, aiguë, flexible comme une lame d'acier, et qui porte le nom de Kurmori, signifiant bambou en langage indien. Le froissement des tiges continuait, produisant un bruit analogue à celui d'une bande de cochons marrons. Un animal d'une taille considérable s'avançait, sous bois, sans chercher sa route, et lancé avec l'irrésistible force d'un projectile. « Maïpouri !» siffla silencieusement le capitaine indien à l'oreille de son compagnon. « Avançons !» Le cortège reprit sa marche, et le bruit changea de direction. Le Maïpouri semblait s'enfuir en entendant les hommes venir. Ils rencontrèrent bientôt ces foulées énormes à travers les broussailles. Telle était l'intensité de son élan, telle était aussi sa colossale vigueur, qu'il avait ouvert une voie dont la largeur rendait inutile la manœuvre du sabre d'Abati. Les Blancs et les Indiens suivirent cette route si opportunément pratiquée, puisqu'elle correspondait exactement à la direction indiquée par la boussole. Le bruit cessa pour recommencer au bout d'une demi-heure. Le bois s'éclaircissait. La trace du pachyderme était toujours visible, et les émanations du musc de plus en plus fortes. « Tiens, tiens, tiens. » Modula sur 3 tons différents, Benoît intéressé. « Est-ce que le serpent s'aviserait de chasser le Maïpouri ?» L'idée serait plaisante, en vérité. « Le Maïpouri est une femelle, » dit Akumbaka. « Son petit est avec elle, et le serpent veut le manger. » « Je comprends mieux cela. » Car une couleuvre avalait un tapir adulte, c'est comme si un perroquet voulait croquer une calebasse. La configuration du terrain se modifia tout à coup, et la nature changea instantanément d'aspect. Le sol se composait de roches diorytiques, et à moins de 10 mètres, l'aventurier aperçut à travers le rideau de verdure brusquement troué par le passage du Maïpouri, les montagnes situées à 1 kilomètre environ. Il étouffa un cri de joie, et désignant à ses complices les collines rocheuses, bizarrement accolées les unes aux autres, il dit à voix basse « C'est là ». À peine avait-il prononcé ces 2 mots, qu'un craquement sourd, étouffé, se fit entendre à quelques pas dans les hautes herbes bordant la clairière. On eût dit un indéfinissable bruit d'os rompu, suivi de piétinements saccadés. Puis une grosse masse informe, surgit des lianes, roula, bondit en avant, sembla se dédoubler et disparut. Pas assez vite cependant, pour que l'infaillible flèche du pot rouge ne s'y fût enfoncée de plus d'un pied. Akumbaka riait silencieusement. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» lui demanda en langue indienne l'ancien surveillant. « Le Maïpouri a tué le serpent, mais j'ai tué le Maïpouri. Nous le mangerons. »« Comment sais-tu qu'il a tué le serpent ?»« Viens, tu verras que Akumbaka ne se trompe jamais. » Ils firent quelques pas, et suivant les prévisions de l'Indien, ils trouvèrent, étendu sur les roches, un boa monstrueux, long de 10 mètres, aussi gros que ce maigriot de bonnet. Quelques gouttes de sang coulaient des narines de l'ophidien. De sa gueule ouverte sortait molle et pendante sa langue fourchue. Il ne remuait plus et sa mort semblait avoir été instantanée. C'est en vain que Benoît chercha la moindre trace de blessure. Le tapir ne l'avait ni mordu ni piétiné. Il constata pourtant un fait assez anormal, c'est que cet énorme corps cylindrique était un peu aplati et qu'il n'avait aucune consistance. Il était mou comme un linge roulé et se coudait à angle droit. On eût dit que ses vertèbres avaient été rompues, une à une. L'Argousin interrogea du regard l'Indien. Celui-ci sourit d'un air protecteur et donna dans son langage guttural la curieuse explication qui va suivre. Akumbaka ne s'était pas trompé. La couleuvre a attaqué le Maïpouri afin de dévorer son petit. Comme elle est très grosse, elle a cru pouvoir l'étouffer, ainsi qu'elle fait du tigre qui ne peut s'arracher de ses anneaux. Mais le Maïpouri est fort et rusé. Quand il se sentit entouré par le serpent, il retint sa respiration et se fit le plus petit qu'il put. L'autre serra encore. Alors, le Maïpouri, qui est le plus grand et le plus vigoureux parmi les animaux de nos forêts, gonfla tout à coup sa poitrine et son ventre. Il se fit gros, gros. Le serpent ne put dérouler ses anneaux, ses os craquèrent en produisant le bruit que tu as entendu. Il est mort à l'instant. Le Maïpouri s'est débarrassé de lui, puis il s'est enfui. Nous le mangeons bientôt, termina-t-il joyeux, car la flèche d'Akombaka ne manque jamais son but. Nous le mangerons, riposta Benoît, non sans une légère nuance d'incrédulité. Mais il court encore. Je crois bien que ta flèche à pointe de bois ne lui a pas fait grand mal. L'Indien, toujours souriant, fit voir à son interlocuteur une large trace de sang qui rougissait les herbes jaunies par le soleil. « Tu as raison, ami Peau-Rouge, décidément, tu es très fort. » La couleuvre fut en un clin d'œil dépouillée de sa peau par le piaille qui voulait s'en faire un vêtement de cérémonie, puis les porteurs reprirent leur lugubre fardeau et la troupe se remit en marche. Les traces de sang devenaient de plus en plus abondantes. Le pachyderme devait être blessé grièvement. Il avait interrompu sa course pour se débarrasser de la flèche dont la pointe avait profondément troué sa chair. Ses stations étaient reconnaissables à l'abondance du sang répandu sur le sol. À 500 mètres du théâtre de la lutte, on retrouva la hampe de la flèche. Les chasseurs firent quelques pas encore, et à leur grand étonnement, ils aperçurent au fond d'une fosse large et profonde le tapir qui ne donnait plus signe de vie. Près de lui gisait son petit, également sans mouvement. En dépit de sa surprise, Akombaka jubilait. Le gros Maïpouri est très bon à manger, mais le petit est encore meilleur, criait-il, joyeux à la pensée du régal que présageait la vue de cette montagne de chair. Tout autre était l'attitude de Benoît et de ses camarades. Cette fosse se trouvait juste au beau milieu de la route qui devait les conduire à la première montagne. Aussi, l'aventurier se disait non sans raison que sans la rencontre véritablement providentielle du tapir, ce serait lui, le chef de file, qui serait dans le trou, embroché aux chevaux de frise, garnissant le fond et les parois. Il n'y avait pas à s'y méprendre. Cette fosse était bien un piège pour les fauves. Elle affectait la forme d'une pyramide tronquée. Étroite au sommet, large à la base, la déclivité de ses côtés devait empêcher l'animal tombé au fond de remonter, quand même il aurait par hasard évité les pieux qui lui hérissaient. On apercevait encore les débris des légères solives, recouvertes un instant auparavant de terre et d'herbage, de façon à tromper l'œil le plus exercé, tant avait été parfait l'agencement de ce plancher mobile. Benoît se rappela soudain les terribles moyens de défense employés jadis par les êtres mystérieux habitant les rives de la crique. L'écroulement des arbres géants, l'obstruction des cours d'eau et cette formidable flottille de serpents à laquelle il n'avait échappé que par miracle. Il lui sembla entrevoir des rapports entre cette excavation, si inopinément pratiquée en face du paradis de l'or et les embûches, qui l'avait forcé de renoncer à sa première tentative. Il voulut en avoir le cœur net. « Écoute, chef. Dis-moi qui a creusé cette fosse. »« Des Blancs ou des Indiens ?»« Des Indiens, » répondit-il sans hésiter. « À quoi le reconnais-tu ? » ?»« C'est que les hommes blancs ont des instruments en fer et les hommes rouges ne possèdent que des outils de bois dur. » La pioche de fer coupe la terre comme un sabre en laissant de temps en temps de petites traces métalliques, tandis que les pelles de bois la déchirent. C'est parfaitement raisonné. Alors il y a des Indiens de ce côté. L'Indien est partout, répondit orgueilleusement le chef. La terre, la forêt, l'eau et le ciel sont à lui. Pourrais-tu me dire à quelle tribu ils appartiennent? Et toi? Quand tu vois un arbre abattu par un blanc, pourrais-tu me dire quel est son pays? Tu as raison, chef. Moi, je ne dis que des bêtises. La colonne s'était arrêtée au bord du trou et le piaille mort, en quête de sépulture, avait été déposé en plein soleil sur une roche. Les pérégrinations de ce cadavre étaient loin d'être terminées. Un homme, porteur d'un sabre parfaitement effilé, descendit dans la fosse en s'aidant de la mare en colon de son hamac. Il arracha le corps du jeune Maïpouri qui fut remonté séance tenante, puis se mit en devoir de débiter l'énorme pachyderme dont la dépouille remplissait presque la cavité. Il pesait plus de 300 kilos et égalait la taille d'un bœuf de forte taille. Le tapir, appelé Maïpouri par les indigènes, est le plus volumineux de tous les animaux du continent sud-américain. Il a pour caractéristique distinctive une tête grosse, très relevée sur l'occiput, et ronflait en bosse vers l'origine du museau qui se termine en une petite trompe musculaire cylindrique, analogue au groin du cochon mais plus allongé. Le nez, replié en dessous, tient en quelque sorte lieu de lèvres supérieures. Les oreilles, presque rondes, sont bordées de blanc. Le corps est trapu, couvert de poils courts, serrés, lisses, généralement fauves chez la femelle, bruns chez le mâle, qui en outre une crinière assez forte sur le cou. La queue ne dépasse guère 10 cm de long et semble un tronçon. Les jambes courtes et robustes ont les pieds terminés par des ongles noirs, pointus et aplatis. Sa nourriture est exclusivement végétale. Bien que sa vigueur soit considérable, il est très doux, il n'attaque jamais l'homme ni les animaux. Il n'est pas méchant, mais ses mouvements sont extrêmement brusques. Il n'est pas prudent de se trouver sur son chemin dans les sentiers qu'il pratique dans les forêts. Car il marche droit devant lui et sans chercher à faire de mal, il heurte violemment tout ce qu'il rencontre. Quand il est pris jeune, le tapir s'apprivoise facilement et devient même tout à fait familier. On en a vu aller et venir librement dans les rues de Cayenne, reconnaître d'eux-mêmes la maison de leur maître et suivre comme un chien ce dernier dans ses courses. Celui que débitait l'Indien était un des géants de l'espèce. Aussi la besogne fut-elle longue et pénible. 2 heures s'écoulèrent avant que les meilleurs morceaux, sélectionnés par le sabre d'Abati et remontés à l'aide de la corde, fussent tous extraits de l'obscur réduit. 2 tronçons de cuisseaux, pesant bien ensemble 40 kilos, grésillaient déjà devant un brasier, et les peaux rouges affamées allaient y faire largement honneur, quand le boucher improvisé se hissa, vermillonné comme s'il sortait d'un bain de sang, et remit au chef un objet que celui-ci regarda curieusement. C'était un collier de forme bizarre, et tel que Benoît ne se souvenait d'en avoir jamais vu. Il provenait évidemment d'un de ceux qui avaient établi le piège. La curiosité d'Akumbaka semblait se compliquer d'une sorte de respectueuse terreur. « Tu me demandais tout à l'heure le nom de ceux qui ont creusé la fosse. Je vais te le dire. Ce sont des Indiens aramichaux, » dit-il d'une voix basse et craintive. Le repas commençait. « Des aramichaux, » reprit Benoît, la bouche pleine. « Je croyais la tribu éteinte. Il y en a encore quelques-uns. » continua Akumbaka, de la même voix tremblante. « Ils sont terribles, de grands piailles. » L'aventurier laissa échapper à un juron. Il avait failli casser son couteau sur un corps dur, très lourd, complètement enveloppé de substances musculaires. Il trancha la chair avec précaution et vit comme enkystée depuis longtemps sans doute dans une mince pellicule, une boule d'un jaune éclatant, arrondie au marteau, à peine déformée et qui semblait être de l'or le plus pur. Il ne put retenir un léger frémissement, en se rappelant la pointe de la flèche qu'avait trouvée la cuisse de bonnet. « Tu dis que les aramichaux sont de grands piailles. Cela m'est parfaitement indifférent. Mais ont-ils des fusils ? Je ne crois pas. Eh bien, je serais heureux de savoir quels sont ceux qui chassent le maïs pourri avec des armes à feu et qui chargent leurs fusils avec des balles en or. »«